souviens de cette poste où je t'ai rencontré. Tu envoyais un chronopost, tu ne parlais pas français. Je t'ai abordé en anglais, comme si on se connaissait. J'étais marqué de ton accent, je croyais pour longtemps. Navy blue, où es-tu entre nous? Navy blue, entre nous, dis-moi tout. Navy blue, dis-moi tout, dis-moi tout. Navy blue, dis-moi rien, dis-moi tout. J'ai attendu peu de temps avant de te retrouver. J'ai attendu plus longtemps de pouvoir te toucher. Mais un jour, les frontières ont été dépassées. Repousser les barrières de la fidélité.